Thank you.

Thank you. for French people. But French people are dreamers. They're dreaming, dreaming. Do you know Charles Aznavour? À 18 ans, j'ai quitté ma province. Je voulais aller aux États-Unis. Oh putain, mon micro. Merci monsieur Double Bass Disque Jockey. Double Bass, il a travaillé en discothèque quand il était jeune. Mr. Anonyme. No. What do you do? Benji, what do you do? Je sais plus comment on fait. De mettre une deuxième piste. Ajouter un canal. Ah, un canal. Là, on peut mettre quoi ?